Je monte sur scène avec les tripes et la douleur de mes ancêtres. Quand y'a plus rien à crailler, normal t'es pas dans ton assiette. Allume un cierge pour tous nos proches, parti trop tôt. 2019 ils ont cru que j'étais mort dans le ghetto. Damn, c'est le retour de la charnée. J'ai coupé les ailes des vautours avec le sourire de les voir saigner. Ah c'est le goût de ma vie, j'ai rien lâché. Lève le rideau sur les artistes, on passait comme au CDR. J'ai pas dit mon dernier mot, j'ai pas bu mon dernier verre. Pas écrit mon dernier texte, on est appelé à se revoir. C'est pas tout rose, c'est pas tout joyeux, l'Eric sa grosse dose. C'est pas tout mignon, c'est pas du rap, je dirais. Ce que je partage avec le public reste sincère. Je suis pas venu vous faire danser, la réflexion reste prioritaire. Demande à mes semblables, on est un peu tous les mêmes. Fatigués par la vie, on est un peu tous blême, damn. Nouvel album, je remets les pendules à l'heure. Je suis pas venu leur vendre de quoi se frotter. Je suis pas ce nouveau rappeur, t'es mal à morsure. Je donne le coup de grâce à chaque rature. 50 volts C4 du compresseur, damn. Viscéral, le poids de mes soucis, le poids de mes péchés. Des fois je suis de speed, des fois je suis stressé. Des fois je défonce tout dans l'arène, des fois je suis blessé. Et le public voit sur scène un guerrier dressé. Damn. 2019, je reviens des sentiers macabres. Des charges émotionnelles te sera servi comme un coup de matraque. Y'a des parasites dans la prod, peut-être des classiques en approche. Parlons de vrai pur rap puisque j'en ai ma claque. Damn. Un coup je médite, un coup je me vide, un coup je m'explique. Découpage lyrical sur disque, manie mon épée sur rythmique. Ma vie se combat sans limite. Gravite les montagnes, je vous invite ravi de mon art explicite. Damn. Guerrier qui défonce les portes, arrêtez les manières. Ma frappe est brutale, donc fracasse le verbe. Bouge-toi les oreilles, le stylo est agité par les nerfs. Pas consensuel, j'attaque la rime révolutionnaire. Damn. Y'a de l'amour dans mes lignes, de la bravoure dans le titre. De l'éveil dans les rimes, de la fougue dans le beat. De la maîtrise dans le geste, le rap une discipline. Mon rap n'est pas calibré pour ta vitrine. Damn. A chacun sa mission, chacun son choix de vie. Chacun son combat, chacun son train de vie. Chacun porte sa croix, chacun choisit sa voie. Libre à chacun de cramer l'interdit. Damn. Ressentez la chaleur de la roche volcanique. Ressentez-vous la douceur de cette plume antalgique. Cœur de braise, je fais briller les lettres, je fais cracher la sève. Que du concentré sur chacune de mes lignes.